L'amour qui nous unit et c'est ainsi. C'est toi que j'ai choisi. Je suis fan de toi et tes caresses. Tout ça me fait perdre la tête. Tu m'émerveilles. Tu es ma vie, mon tout, mon soleil. Les mers feraient le tour du monde. Je suis prête à tout sans perdre une seconde.